Bonjour, ici le Mondial, vive le sport, et pour les petits Belges, ça marche très fort. Pour nous, ce qui compte, on veut la Coupe du Monde. Pour nous, ce qui compte, on veut la Coupe du Monde. Allez, allez, roulez la balle. Les petits Belges, au Mondial, ça va chauffer, ça va faire mal. Les petits Belges, au Mondial, de tout ce qu'on raconte, il n'y a qu'une chose qui compte, il faut nous rapporter la Coupe du Monde. Rien de tel pour être de bonne humeur. On ouvre sa fenêtre, on entend chanter le facteur. Il chante un petit refrain que tout le monde connaît par cœur. Le cri de la victoire que tous les Belges chantent en chœur. On chante dans les écoles, au volant de sa bagnole. En 1990, y a toute la Belgique qui chante. Allez, allez, roulez la balle. Les petits Belges, au Mondial. Ça va faire mal. Les petits Belges, au Mondial. De tout ce qu'on raconte, il n'y a qu'une chose qui compte. Il faut nous rapporter la Coupe du Monde. Les petits Belges sont super, nos joueurs sont des champions. On a Michel Prudhomme qui arrête les boulets de canon. Les Belges cassent la baraque, ne ratent aucune occasion. C'est sûr qu'une fois de plus, on va gagner, faire un carton. Le Mondial c'est super, surtout faut pas s'en faire. Il suffit d'un petit goal et y'a de l'ambiance dans les chaumières. Allez, allez, roulez la balle. Les petits Belges,